Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Secret du son d'abat. Bonsoir Monsieur Melon. Salut Grégoula. David à la technique, Grégoula pour vous servir, Melon au platine. Ça commence tout de suite avec... avec une petite session hip-hop qui démarre par Jack Progresso, dont on avait déjà parlé dans une précédente édition sans en avoir écouté une traître note. On va donc se faire une tranche de son I Wish I Was Normal, nouveau EP paru pour le moment uniquement en digital. On en reparle juste après. Jack Progresso dans le secret du son d'abat avec Butterfly Blood. Don't let go. Don't let it fall back. Don't let it fall into the dark. All planets in alignment. She descended from the highest of us blinded. The sky split. Captivating flames of fascination ignited. The frost around my heart melting sickles as ice drips. Of a connection escaping science. And chemistry binded. You magnetized me, I was strangely guided. When we locked eyes, it was like, behold this beautiful seraphim with wings widened. She was soul leveling, kept the triple sun horizon. And seven moons reflecting off the surface of her iris. My world sky blanketed by her eyelids. Every moment is timeless. Sex is butterfly effect seismic. There's nothing like it. I can feel the gypsy moths hovering around the lantern light in my gut when it tightens. I am devoted, I honor you with the field of wilting roses and dead violets. We are trick pilots. I wanna hold hands after devouring psilocybin. Next to a waterfall under sunrises. I wanna find that light lit deep inside, deep in your mind's pit. She moves the ocean like Poseidon. The return of Dionysus. You are my white witch, my tigress, dear Daphne. Your majesty, your royal highness. My beautiful blooming flower, I shall keep you safe in the highest diamond clustered tower on the island. Your aura ultraviolet. I'll sponge bathe you in a jacuzzi of red wine and white oleander floating inside it. Now I pass in burning like a prime. I know I'm arcane and don't let go. Don't let me plummet back into the precipice and that dark place. Frostbite and heartache. I know it's hard, wait. Don't depart. The first kiss melted me into onyx shards and the stars rained. This song's for you. I hope you soak it up. Blood, sweat and tears and open guts. Fight for fire and don't give up. I swear on everything I hold in love. I adore you. You now have my soul in trust. Sorry I almost broke it up. This song's for you. I hope you soak it up. Blood, sweat and tears and open guts. Fight for fire and don't give up. I swear on everything I hold in love. I adore you. You now have my soul in trust. Sorry I almost broke it up. You're my other half, right? Slightly, you're kinda like me. I'm having sight dreams. One night I fight sleep, I wake up to you wrapped in white sheets. The pores of your skin shooting out light beams. Ah, you laying beside me, hits me at light speed. Summer I love and a slight breeze. I won't forget when the dark prince wet docked the ice queen. Yeah, I wrote this song for you. I cherish you. Butterfly Blood, extrait de I Wish I Was Normal, le nouveau EP de Jack Progresso, pseudonyme pour un garçon qui s'appelle Jack Adresso, dont je ne sais pas grand chose, si ce n'est que ça m'a l'air d'être encore un fondu de sciences occultes et de magie noire, si on s'en réfère à son site web thewitchkingoccult.com. C'est un gars qui traîne ses guettes dans le hip-hop underground depuis une dizaine d'années, dont je connaissais pas grand chose avant que d'être mis sur sa piste par mon camarade bruxellois Bobé Van Jésus, qui est un gros mordu des productions de Jack Progresso, qu'on peut retrouver donc sur le label Johnny 23 Records. Et on avait écouté une production parue chez Johnny 23 dans une précédente édition, cher Grégoula, c'était Box Guts and Will Tobin, où il y avait déjà un featuring de Jack Progresso. Donc voilà, petite, tout dans tout. Petite sphère hip-hop assez savoureuse. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs le flow de ce garçon, Jack Progresso, ça me fait penser, j'y ai pas pensé tout de suite, mais c'est en lisant quelques notes, effectivement, Grave Diggers, je sais pas si tu te rappelles de Grave Diggers. Il y a un petit côté comme ça, agressif, mais sans en faire des tonnes. Ouais. Enfin, Grave Diggers, ça peut être plus saignant. Ah, c'est beaucoup plus saignant, bien sûr. J'ai réécouté dernièrement. Beaucoup plus saignant que Jack Progresso, reste assez mesuré, mais j'aime beaucoup ses instrus, sa voix qui est bien accrocheuse. Grave Diggers qui se sont reformés. Super. Alors ça, voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc peut-être qu'on en entendra encore parler. En tout cas, on peut trouver ce EP sur son Bandcamp. Tout simplement. Voilà, c'est un EP 5 titres pour 10$. Disons, c'est assez cher. Hein. Il se fait pas chier, Jack Morrison. Ouais, bah il progresse. Il progresse. Et il ira loin, il ira loin, ce petit. Dave Dub. Moi, c'est la scène, californienne. Avec son album The Treatment, qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e album de Dave Dubb depuis 2006, carrément. On a raté des épisodes. Et alors, je me demande pas comment j'ai. Ah bah, si, tout simplement, ça sort sur Stone Throw Records, donc c'est pas tout à fait un inconnu. Non, ça va. Et j'ai dû forcément lire quelques lignes sur lui, ici ou là, je pense notamment dans le magazine The Wire. Et Dave Wallet, qu'il s'appelle de son vrai nom. C'est un hip-hop à l'ancienne, assez cool, bien fichu, bien ficelé, avec du scratch. Yeah! Voilà, quelque chose qu'on avait complètement oublié, on savait même plus ce que c'était, les mecs qui tricotent derrière les platines. Voilà, et, bah, c'est tout à trop fait... bien le scratch, hein? Voilà, c'est complètement ça, ça, les mecs, ouais, voilà, c'est super. Et vraiment, ça vaut, cet album de Treatment vaut vraiment le coup. C'est pareil, il nécessite une écoute attentive pour pas avoir l'impression d'écouter encore un album de plus, mais. Voilà, il est assez fin. Il est subtil, fin, il s'écoute d'une traite, vraiment on s'en lasse pas. On va s'écouter un extrait qui s'appelle Planet Rhyme dans le secret du son d'Abba, Dave Dubb, The Treatment. You enter Planet Rhyme, 360 degree rotation, lyrics known to obliviate nation, Dave Dubb, the Southside hustler. DJ Stefan on the wheels are real. We're gonna take it to your face. Take it to your face. Tell just how much you got to give against the champ tonight. I'm the vandal of words. I cut him at an angle. So freestyles never intertwine or tangle. This is real today, Dub. I shock rappers like Raiden. 8,000 votes of anti-underestimation. Cause some fools think freestyles was written, but no. Created on sight, never spoken before. Planet Rhyme, my rhyming zone that I get into. A well-defended fortress with there's no contest. Now I smoke bomb, and you smoke cess. Let's battle for souls, the loser wins death. It was never intended to get this serious, but the shadiness of the streets drove me delirious. And I got kinda curious. What's it like to rule world? So I created my own. It materializes only when I get real stone. Set up your camps and try to attack. You meet your fate, break them down. Rap skills get raped. Dave Dubb was playing around, the rap skills get raped. Almighty mic phone, bring out my best. Lyrical, freestyle that I spit is always tactical. When I exit the party, the walls lie in relief. And fear another flow, just mic and unleash. Cause houses get rocked to the dirt in the process. I'm making lower than average rappers, less never ending. Rebels, you know they don't stop. Let's transform the fury of God into this hip hop. See how the masses react. They diss, I dismiss their criticism. They say Planet Rhyme style sometimes don't fit them. But they will all perish the days I rap. MCs want me to stay so they can learn the way. Cause my rap form has real artillery. Pentagon secret bases couldn't match the five stages of my rap book. This is stage two. You get rearranged. People wonder how you ever changed from being in a rap group to being straight coop in your room talking about Dave Dubb is doomed. He said, Dave Dubb is doomed. But it's only the mystic sub Planet Rhyme I consume. He said, Dave Dubb is doomed. But it's only the mystic sub Planet Rhyme I consume. a father around. Sing the blues, unenthused by the genre. A cloaked out prima donna, hitting up Dago, then the Tijuana. Pale with a stance that's ill, went to jail for selling a male enhancement pill. Noticed from a glance that his pants are twill. Looking for romance, but the chance is nil. Yo, yo. Butterfly, a glutton stealing the last piece of mutton pie. There's always something to deny. A lady of the night said he known to bust a nut and cry. No lie, he was itching at his thigh. He known to change his story up, switching alibis. In the kitchen with my nigga Malachi. Damn kid, we in dire need. We both responsible to feed a whole entire creed. And know we got the stump of pie seeds and Jeremiah weed. Most of it's a tired tweed, down to put in work like a horse of the Shire breed. By necessity instead of greed, Renaissance fair, nigga, down to steal a squire's mead. Yo, yo, what am I? Envie, tu vois, d'être au mois de juin là avec un gros blunt coincé au coin des lèvres là. Ouais, c'est cool. Le sourire béat, tu vois. Ouais, le soleil couchant. Ouais. Mais les non, on est au mois de en mini-jupe. Ouais, mais enfin, je te rappelle, on est en décembre 2012, il fait gris, il fait moche. On va bientôt mourir, il paraît. Et mais ça serait peut-être préférable pour les spécimens. Si on n'est pas déjà mort. Ah, Beat for Brother. Volume 2, c'est Doppelgangers dans le secret du son là-bas. C'est bien, bien cool. Un des rares. Prend un peu le buzz là maintenant. Voilà. Hein, c'est vrai qu'on commence à en entendre parler de ce petit groupe. Quatrième album en 4 ans, ou presque. Et vraiment à conseiller notamment aux gros mordus du son Mowax des années 90, parce que c'est un des rares tracks titres rappés sur ce disque. C'est plutôt instru. Plutôt justement à la voilà, collage sonore bien fichu avec des super bons échantillons à la Shadow Crush, tu vois. Grande époque. Non, vraiment super bon disque comme ça qui s'écoute d'une traite, il n'y a rien acheté dessus. Et c'est pas le seul puisque j'ai eu l'occasion d'écouter certains de leurs travaux précédents et c'est vraiment du même acabit. Donc vraiment Doppelgangers, s'il y a un buzz dessus, c'est mérité, il faut y aller. Une chronique. parce qu'il voilà. dans Noise. Et j'en place une case dédiée à mon camarade Tim alias Kija de Soukouche Ethnique qui m'avait mis sur la piste de ce groupe. Merci Soukouche Ethnique sur Campus Radio Orléans. Campus Orléans. Pour les fans de... Alors ils passent plus trop de basse music, mais nous on en passe toujours encore. Ils sont toujours dans des trips un peu à hausse en ce moment. Enfin, ça fait longtemps que je ne les ai pas écoutés. Ça dépend des fois. On part au Sénégal. On va écouter le Royal Band de Thiès avec le morceau Couvé Magana, tiré d'un album qui aurait dû sortir il y a une trentaine d'années quand même. Et 33 ans. Pour être exact, grâce à une miraculeuse résurrection, nous voilà avec les bandes de ce très très bel album. Faut pas oublier, dans les années 70, donc au Sénégal, d'un côté il y avait Youssou N'Dour avec le Star Band, puis le Super Étoile. D'autre côté il y avait Omar Péné avec le Super Diamono. Et puis maintenant il y avait aussi le Royal Band de Thiès, un peu plus loin au nord-est de Dakar. Et c'est vraiment magnifique. On va écouter un extrait, donc Kouye Magana, tiré de l'album Kadior Demb. Et pour les amateurs, c'est vraiment une très belle réussite. Du coup, de rejeter une oreille là-dessus, c'est vraiment déjà matinée d'influence un peu afro-jazz. Il y a des fois des plans de guitare. Je sais pas si sur ce morceau c'est bien net, mais un peu prog, etc. Vraiment, c'est un peu bien mélangé en tout cas. Mais c'est très très chouette. On écoute un extrait de Royal Band de Thiès dans Le Secret du Son d'Abba. Hop! Enough. Munchi dans le secret du son d'abat. On n'avait jamais passé le DJ producteur néerlandais d'origine dominicaine qui en cette année 2012 a quand même fait très fort parce qu'il a sorti ce EP là qui vient de sortir chez Mad Descent sur un sous-label de Mad Descent sur le propre label de Munchi. C'est en libre téléchargement sur son blog, donc allez-y. Les autres titres sont plus Mumbatiens, on va dire. Et il a aussi participé inévitablement à la mixtape de Azealia Banks avec le terrible morceau Fantasia. Voilà, donc grosse actu hein, pour Munchi en 2012. Et une sacrée saloperie là. Et donc il est en tournée là avec Diplo pour les fêtes de fin d'année pour chauffer les clubs et dans toute l'Europe, c'était plutôt l'Europe là. Et donc voilà, bah il y a aucune date à Paris, aucune date en France, donc on est peinard. Je pense que on va se faire chier comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, donc et on va continuer avec avec l'électrocumbia, le mumbiacore, parce que c'est ça y est, c'est moi qui l'ai inventé là. Et on part en Argentine avec cet excellent net label qui est Cabarito, qui est un bled qui est basé juste à Buenos Aires, juste à côté, et qui marche un peu dans les pas de ZZK, qui les a même un peu dépassés, je dirais, et qui sort leur troisième compilation El Graveton. Et vraiment, c'est de la grosse balle. Alors évidemment, sur 40 morceaux, il y a des morceaux un peu achetés, je vous jure. Mais il y a toujours des trucs vraiment passionnants. Enfin, passionnants. Des belles saloperies, quoi, je m'entends. Et donc, on va écouter le morceau qui s'appelle un artiste qui s'appelle Sony Music. Et oui, et oui, parce qu'ils ont de l'humour, hein, quand même, les Argentins. Avec Hasta Barro. Ah bah non. Ouais non, mais moi j'ai fait deuxième langue allemand, alors t'imagines. Et donc voilà, bah, vous allez voir le mumbia corde, vous avez compris hein, cumbia, bumbaton, corde, mumbia corde, dans le secret du son là-bas. Come on. Et ben ça se termine comme ça. Two Fingers. Two Fingers. Le retour. Voilà, c'est vrai qu'on l'avait mis un petit peu de côté, celui-là aussi. On se le gardait au chaud tranquillement. Il y a pas très si longtemps, il est sorti début octobre, début octobre 2012. Ouais, enfin on l'avait quand même de côté. Bah oui, parce qu'on a dit, on attendait de trouver le moment où ça guinche comme ça. Voilà, pour finir l'année 2012. Stunt Rhythm, ce triple album vinyle. Double, mais en fait il est triple. Très triple. Beaucoup de musique. Sur Big Dada, donc avec évidemment, quand il y a autant de morceaux, tout n'est pas génial, mais enfin vraiment, c'est du tout bon quand même. Avec vraiment des morceaux du niveau de celui-ci, il n'y en a pas qu'un seul. On vient de s'écouter 101 South. Et c'est plutôt d'obédience instru, entre électro, hip-hop, quelques tracks avec des featurings de gens que je connais pas du tout d'ailleurs. Plutôt en deuxième partie d'album. En deuxième partie d'album, voilà. Et vraiment un super 10 pour bouger son corps. Ouais, puis extrêmement malin, hein, voilà. On rappelle quand même pour oui, que c'est Amon Tobin derrière. Voilà, et que c'est un peu sa cour de récré. Quand il laisse son cerveau de côté un petit peu, et il fait Two Fingers. Il laisse parler les jambes, mais c'est cool, hein, quand même. Hein. Carrément. Voilà. Un peu façon Tonight aussi, voilà, c'est le même esprit. Très festif. Hein. Festif, mais... pas con. Mais pas con. Cannibal et Vainé. Voilà. La rencontre de la Hollande et de Toulouse. Voilà, et alors moi je les connaissais pas, alors dis-nous en quelques mots quand même de Cannibal et Vainé. Donc c'est à la base, hein, c'est un trio toulousain lié à la scène free jazz rock française, hein, qui avait. N'était pas forcément hyper connu des réseaux rock'n'roll et de moi-même tout particulièrement, mais qui avait un petit nom et qui s'est accoquiné de GW Tuck Chuck, j'arrive jamais à prononcer son nom, je rappelle S-O-K, voilà, l'ancien chanteur de ZX, l'ancien mythique chanteur de ZX, qui semble-t-il en avait marre de tourner, en avait marre de chanter dans ZX et avait quitté il y a maintenant 3 bonnes années, hein, ZX. À force, ouais. Et a rejoint, à ma plus grande surprise, j'avoue, une formation un peu pas si loin, finalement, dans ce mélange de musique jazz, de free, d'impro et de rock. Alors, est-ce qu'il les a rejoints le temps de cet album Nowhere, ou est-ce qu'il les a rejoints pour de bon, entre guillemets, projet plus long terme? En tout cas, il y a déjà eu un Seven, quelques dates, puis ensuite l'enregistrement de cet album, et puis quelques dates. Donc aujourd'hui, je sais pas où c'en est, mais en tout cas, c'est work in progress, on va dire, et en tout cas c'est une collaboration active, voilà, c'est-à-dire que c'est pas une collaboration d'un album, etc. Ils donnent des noms, ils donnent des concerts, excusez-moi, sous ce nom, ils jouent régulièrement, donc voilà. Et c'est curieux comment Sock transforme complètement ce disque en indice de DX. Voilà, c'est super surprenant. C'est pour ça que je suis, moi, personnellement, encore peut-être à côté de ce disque. Voilà. Et moi, je suis bien dedans, c'est pour ça qu'on en passe un extrait. J'aime beaucoup. J'avais bien aimé d'ailleurs ce qu'en disait toujours un de nos blogs de référence, Heavy Mental. Le gars Azam. Azam, voilà, qui effectivement était un petit peu hésitant comme toi et se demandait si c'était pas plus effectivement l'humeur de l'auditeur plus que le disque qui lui assurément est bon. Je suis un peu comme lui. Ouais. Avec des belles mélodies, des moments forts, des moments avec plein d'esprit et de finesse. Et c'est vraiment un très très beau morceau. Tout particulièrement là, ce qui semble être une reprise de Léo Ferré. Alors moi je me rappelle plus du tout de l'original, écoute-moi. Ça devient Lazarus Lesson dans la bouche de JW Sock et de son groupe toulousain Cannibal et Vainé. Voilà, on recommande quand même l'écoute de ce Nowhere sorti chez Tractor No Sound. En première partie d'année 2012, hein, on a mis quand même un sacré bout de temps avant de vous le diffuser. Voilà, Cannibal et Vainé dans Le Secret du Son d'Abba. At jukebox time when the fairies rave and toil, and in the jail the zoo lazing under the memory, with Maldoror in one hand and the Satan for a laugh. I'm galvanized gold and I go astray under the diamond head of a fake phonograph. Your eyes, your eyes, your eyes, I hope. La pop étoilée de Laetitia Sheriff dans Le Secret du Son d'Abba. Évidemment. Évidemment. Avec son nouveau EP, 4 titres, Where's My ID, qui est publié en fait en autoproduction en partenariat avec Impersonal Freedom, le label de son bonhomme Thomas Poli. Qui, Lorient Represent. Voilà, Lorient Represent, qui a assuré l'enregistrement et le mixage du disque, Laetitia se chargeant de l'ensemble des instruments et de la composition, bien sûr, de l'écriture. Voilà, vraiment sous le charme complet. C'est vrai que c'est un très très beau disque qui effectivement fait saliver à l'idée d'avoir un LP peut-être à venir dans les mois qui viennent à l'y travailler. C'est en projet ? C'est tout à fait en projet. Super. C'est en construction et voilà, rien à jeter pardon sur ce Where's My ID. Une voix qui est de plus en plus sûre, de plus en plus affirmée, de plus en plus avec des nuances. Vraiment, j'aime beaucoup les idées là, les arrangements et tout ça, c'est super. Voilà, c'est tout en nuance, tout en finesse. Super finesse. Rien d'autre à dire que Laetitia, on t'aime. Voilà, on t'aime. Tu viens quand tu veux. On reste, on parlait de Thomas Poli, le représentant de l'étape, et on reste à Lorient avec cette nouvelle formation pas du tout pop. Ils s'appellent Death Engine, ils sont de Lorient. Et ils sortent une démo en 2012, ça devait être à la fin de l'été. Enregistré en tout cas au mois de mai 2012 au Blockhaus à Nantes. Ils préparent un EP pour 2013 et une tournée. Voilà, ils développent eux-mêmes une petite asso et donc ils cherchent des plans et avec des entraides entre groupes, etc. J'ai eu l'occasion de les voir en première partie des Direwolf il y a quelques mois. Et c'était leur premier concert et autant vous dire que c'était déjà très très bien. Vraiment, formation très très intéressante. Vous allez voir dans un registre qu'on n'a quasiment jamais entendu dans le pays de l'Orient, qui est vraiment noise rock, très unseenien. Je vous ai choisi le morceau le plus mélodique, qui fait penser un peu aux Sleepers, Sleepers français. Vraiment très très chouette. On écoute Dallas et on attend le EP de pied ferme. Death Engine. Bud Dance dans le secret du son d'Abba avec le morceau West tiré du même nom de l'album. Ça pouvait pas rester cool. Hein. Non. T'as pas pu t'empêcher quoi. Non, j'ai pas pu. C'est... Et 2012, on est vénère en cette fin d'année. On est quand même vénère. Voilà, y a rien à faire. Très bon album de Bud Dance sorti sur Sorrinor Records, entre autres. Bud Dance, bah, le meilleur clone de Gaza. Bon, évidemment, hein. Grave en dessous de Gaza, mais c'est vraiment un peu, des fois un peu un copier-coller. Alors évidemment, il y a, on sent chez Bud Dance l'influence de Pling Enemy, de Kiss It Goodbye, de façon un peu plus prégnante. Mais la structure, l'approche, quand les parties sont un peu plus métal, on est vraiment dans la structure qu'a développé Gaza depuis maintenant trois albums fabuleux. Je répète ça parce que quand même Gaza, pour moi, c'est l'un des meilleurs albums de l'année. Voilà, parce qu'on est approche de l'année, qu'on déteste la de faire fin ça. De l'année, ouais. C'est vrai qu'on a, on ne prend pas le temps de faire ce que voilà, le petit exercice que beaucoup font. Ouais, moi, de temps en temps, j'aime bien me faire péter une petite liste là, tu vois, le côté satisfaction personnelle. Qu'est-ce que j'ai aimé cette année? Mais je crois que le secret du son d'Abba. La quête qu'on mène, elle est trop importante. On peut pas prendre le temps comme ça de s'arrêter. Non, on peut voilà. pas. On peut pas. Mais Gaza fait partie du secret. Et c'est pas mal. En tout cas pour moi cette année, c'est vrai que ça reste. Ça reste un album d'une violence inouïe. Et en 2012. À l'image de l'année 2012. Voilà, violent. Mais 2013 s'annonce pas mal. On va se quitter avec un peu de violence et l'excellent split 10 pouces. Sorti par Cortez et Playban Grandstand. C'est le retour de Cortez qui n'avait pas sorti d'album, enfin de morceau hein, depuis 2005. Le trio suisse s'était rendu absent. Ils reviennent avec par l'intermédiaire de ce split 10 pouces et ils vont sortir un album l'année prochaine. Mais on ne va pas écouter Cortez parce que contrairement à mes petits collègues critiques, je pense à Azam, Heavy Mental, à Bill Nexus, eh bien je préfère largement, même si le morceau de Cortez est vraiment intéressant, mais Playban Grandstand les bat à plate couture si on parle en termes de compétition. Avec un morceau vraiment de 12 minutes, complètement génial, entre hardcore chaotique, black metal et doom, assez violent, pas mal. Et on va se quitter, on va se souhaiter une bonne fin d'année, monsieur Melon. On remercie beaucoup David pour cette belle année 2012. Pour nous avoir supporté. Voilà. Et puis on remercie Maple pour l'accueil, pour tout. Et puis on se dit à bientôt en 2013. Peut-être. Ou pas. Playban Grandstand dans le secret du son d'Abba, et c'est la fin.